إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الإخوة في الله، فلازلنا متواصلين متواصين بالحق والصبر على هذا الحق، عملا بقول الله عز وجل: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهون الله عز وجل Nous sommes toujours à se conseiller mutuellement la vérité, à endurer sur cette vérité et constamment sur cette voie, Inch'Allah, nous et vous, Inch'Allah, en mettant en application cette parole d'Allah, Azzawajal qui dit, et conseillez-vous mutuellement la vérité et la patience et l'endurance. Et dans un autre verset, et conseillez et se conseillez. Conseillez-vous mutuellement et la patience et la clémence en temps. Il faut le faire avec clémence, parce que la vérité, s'il n'est pas accompagné de clémence et de sagesse, il deviendra lourde. Et même ceux qui en sont adeptes peuvent des fois lâcher les bras. Pense Allah subhanahu wa ta'ala, jalna wa yakum illadine yatawasaw bis sabr wa tawasaw bil marhama. Fa kullukum ya'lamu akha. إخوة الإسلام، أننا في زمن أكبر خصوصيات هذا الزمان الفتن والشبهات، وكل يرى أن شوكة من يبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوت، وصاروا يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الملأ وعبر الفضائيات. ومن أشنع ما يقوم عليه دين هؤلاء الروافض صب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تكفيرهم إلا خمسة وستة منهم رضي الله عن صحابة رسول الله. فهنا الله عز وجل nous vivons une époque, la plus grande caractéristique de cette époque, disent les hommes de science, ce sont les ambiguïtés, les fitnes et les perturbations. Et tout un chacun de nous voit devant lui comment ceux qui détestent les compagnons de Mohammed alayhi salatu wasalam montent en puissance. Et comment maintenant, il y a une vingtaine d'années en arrière, il y a encore une dizaine d'années en arrière, ils ne pouvaient pas dire clairement, ni insulter clairement les compagnons de Mohammed alayhi salatu wasalam, ils utilisaient taqiyya. Mais maintenant, ils le font clairement, ils insultent les compagnons de Mohammed alayhi salatu wasalam clairement. Et même dans les médias, ou là à travers certains sites, ils ont des chaînes vouées pour ça maintenant. Et la pire des choses sur laquelle s'accomplit la religion de Sirawafid, c'est le fait d'insulter les compagnons de Mohammed alayhi salatu wasalam et de les rendre mécréants, sauf 5 ou 6 ridwanullah an sahabati rasulillah. Fa hada cheikh al-islam ibn taymiyyah rahmatullah alayh fi minhaj as-sunnah yaqul an ha'ula ar-rafid akhzahum Allah wa huwa al-khabir bihim yaqul rahmatullah alayh wa fuddilat al-yahud 'ala an-nasara wa fuddilat al-yahud wa an-nasara 'ala ar-rafid bi khislatayn. سئلت اليهود من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب موسى، وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم قالوا حواري عيسى، وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أخزاهم الله. Écoutez la parole de cet expert, celui qui connaît الرافضة. Il y a personne qui a connu le Rafida comme Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Dans Minhaj Sunna, il dit de Rafida, et c'est lui qui les connaît au mieux, il dit rahmatullah alayh, il est juif. Hein? Ont une qualité de plus. Ainsi que les chrétiens ont une qualité de plus qu'un rafida. Les juifs et les chrétiens ont une qualité de plus qu'un rafida. On a demandé aux juifs qui sont les meilleurs de votre religion. Ils ont dit les compagnons de Moussa alayhi salatu salam. Et on a demandé aux chrétiens qui sont les meilleurs de votre religion. Ils ont dit les apôtres de Isa alayhi salatu salam. Et la question a été posée à Rafida, qui sont les pires de votre religion. Ils ont dit les compagnons de Muhammad alayhi salatu salam. Khazaram Allah. Umiru bil istighfar ilahum fasabbuhum fasseifu alayhum masloul ila yom al qiyama. La taqoumu lahum raya wa la yetbut lahum qadam wa la tajtami'u lahum kalima ولا تجاب لهم دعوة دعوتهم مضحوضة وكلمتهم مختلفة وجمعهم متفرق كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله عز وجل. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. Il leur a été ordonné de faire des dua pour les compagnons de Mohammed alayhi salatu salam. Ils les ont insultés. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah a dit les épées sont sorties des fourreaux contre ces gens qui ont insulté, ces Rawafid qui ont insulté les compagnons de Mohammed alayhi salatu salam, et ceci jusqu'à la fin des temps. Aucun drapeau ne sera élevé pour eux. Ils n'auront pas la puissance. Leur parole ne va pas se réunir. Aucun dua ne leur sera exaucé. Ils seront en divergence entre eux. Et chaque fois qu'ils allumeront un feu pour la guerre, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'éteint. Ça, c'était la parole de l'Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi. Pour nous décrire Rafida dans Minha al-Sunna. Wa qala al-Sha'bi rahimahullah wa ni'ma ma qala wa sadaqa rahmatullah alayh. Law kanat al-Shi'a min al-Baha'im lakanu humuran wa law kanat al-Shi'a min al-Tayr lakanu rakhaman. Law kanat al-Shi'a min al-Baha'im lakanu hamir wa law kanu tuyur lakanu rakhaman. وصدق والله. Ici, Shabi, rahmatullah alayhi, de nous dire, si Rafida devait être des animaux, ça serait des ânes. Il a dit vrai, rahmatullah alayhi. Il dit, s'il devait être des oiseaux, ça serait des rahm. Rahm, il fait partie de la famille des aigles. Il a le ventre qui est blanc, et sur le dos, c'est des taches blanches et noires. Seulement, il a une particularité, il est insensé, il n'a pas de raison. Il laisse ses œufs quelque part, et quand il se lève, il vole dans le ciel, il ne sait plus retrouver ses œufs. Ainsi sont Rawafid. Ainsi, et cette image, elle est réelle. L'origine de cette religion, c'est qui? Ce sont les compagnons de Mohammed alayhi salatu salam. C'est pour ça qu'ils méritent cette appellation que leur a fait Shabi, rahmatullah alayhi. ونص أهل العلم المعتد بأقوالهم من أهل السنة والجماعة ومن سلف هذه الأمة أن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان أهل الصدر الأول من الإسلام هم خير القرون وحماة هذا الدين وهم حملة هذا الدين ونقلته لمن جاء بعدهم من العالمين وهم أقوى الناس إيمانا وأرسخهم علما وأبرهم قلوبا وأزكاهم نفوسا والله خص أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم برؤيته والتمتع بالنظر إليه وأكرمهم بسماع صوته والأنس بحديثه فأخذوا الدين عنه غضا طريا فاستحكمت به قلوبهم واطمأنت به نفوسهم وثبتوا عليه كالجبال. Et les hommes de science qui sont dignes de la voix de leur puiseur, d'Allah alayhim, disent que le fait de lire la vie du puiseur, d'Allah alayhim, ceci augmente la foi. Et ces puiseurs, d'Allah alayhim, à leur tête, il y a les compagnons de Mohammed alayhi salatu salam. Ce sont eux les premiers qui rentrent dans les puiseurs, d'Allah alayhim. Ce sont eux les pionniers. Ce sont eux les emblèmes de cette voie. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Muawiyah, Abu Huraira et tous les compagnons de Mohammed alayhi salam. Et les autres ceux qui les suivent à la perfection font partie de cette voie des puiseurs. Ce sont les meilleurs de la génération, de l'humanité, après les prophètes, alayhi salatu wassalam. Ce sont eux qui ont préservé cette religion. Et ce sont eux les transporteurs qui ont transporté cette religion et qui l'ont transmise à ceux qui sont venus après eux. Et ce sont eux qui ont la science profonde, qui sont la science enracinée. Ils ont beaucoup de science. C'est des montagnes de science. Ils étaient dévoués pour Allah, Zawajal. Et ils étaient purs dans leur intérieur. Allah subhanahu wa ta'ala a donné des particularités aux compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam, qu'il a fait qu'au moins ils se sont remplis les yeux du prophète alayhi salatu wassalam. Ils avaient ce bienfait min Allah azzawajal d'être à côté de lui, d'être en sa compagnie dans les moments de l'aisance et dans les moments de la difficulté. Ils ont écouté ce qu'il disait, ils l'ont vu pratiquer cette religion et mettre en application la parole d'Allah azzawajal. Ils ont eu cette particularité que personne n'a eu après eux. Ils ont pris cette religion fraîche de Muhammad alayhi salatu wassalam comme il se doit. Et ils l'ont transmis comme il se doit. Et cette religion s'est habitée leur cœur. Et a maîtrisé leur personne. Et ils étaient conditionnés par cette religion. Et ils étaient qui est dans cette religion. Et ils avaient tout mis au service de cette religion. فمن تأمل حال أولئك الخيار علم سفاهة من يسبهم ويتنقصهم ومن قرأ سيرهم وعرف محاسنهم وتأمل ما كانوا عليه من خلق عظيم وتأس بالرسول الكريم وتعهد للإيمان وخوف من الذنوب والمعاصي وحذر من الرياء والنفاق وإقبال على الطاعة وتنافس في فعل الخير وتبصر في حالهم وقوة إيمانهم وشدة تعبدهم لله سبحانه وتعالى وحرصهم على طاعته وإعراضهم عن الدنيا الفانية وإقبالهم على الآخرة فإنه سيقف من خلال هذا التأمل والنظر على جميع جمل من المحاسن والمحامد وكثير من النعوت والخلال ما يدعوه إلى صدق التأسي بهم رضي الله عنهم وأرضاهم ومحبة لهم والتحلي بنعوتهم فذكرهم يذكر الله سبحانه وتعالى وأحوالهم تقوي الإيمان وتجلي الفؤاد الأفئدة. Celui qui médite la situation de ses nobles compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam sera la bassesse dans laquelle sont ceux qui les insultent, ceux qui les dénigrent. Il sera la situation, ils se rendront compte comme quoi ceux qui dénigrent les compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam sont insensés. Ils n'ont pas de raison. Et ceux qui les diminuent n'ont pas de raison. Et celui qui lit, qui se penche, une lecture de méditation sur la vie du puiseur d'Allah alayhi, va se rendre compte de la noblesse de ces puiseurs d'Allah alayhi. Il va se rendre compte du comportement qu'ils avaient et comment ils étaient. Il imitait le prophète alayhi salatu wassalam. Et comment ils s'occupaient de leur foi et de leur intérieur. Comment ils étaient dans l'obéissance à Allah azza wa jal. Comment ils se concurrençaient mutuellement pour plaire au mieux à Allah azza wa jal et dans le fait d'œuvrer dans le bien et de propager le bien. Celui qui se penche sur le vie, il va lui apparaître clairement la force de la foi. Il va lui apparaître la force de l'adoration d'Allah Azza wa Jal, de la soumission d'Allah Azza wa Jal et du suivi de Muhammad alayhi salatu wassalam. Il va se rendre compte combien ces gens, ces compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam, s'acharnaient à mettre en application tout ce que leur enseignait Muhammad alayhi salatu wassalam. Comment ils avaient peu à faire de ce bas monde, tant en prenant ce dont ils ont besoin de ce bas monde, mais ils mettaient en priorité le delà, ridwanullah alayhi. Celui qui lit et qui médite de cette façon la vie du puiseur d'Allah alim, il va se rencontrer. Il va être en face de caractère, de noble caractère. Et d'un noble suivi de Muhammad alayhi salatu wassalam. Ce qui va le pousser à les imiter véridiquement. Et à les aimer. Et le fait de se pencher sur leur biographie, cela nous rappelle Allah azza wa jalla. Il renforce la foi. Il nous remet à notre place aussi. Parce que quand tu vois ce qu'a donné Abou Bakr Siddiq, ou Omar, ou Uthman, ou Ali, ou Muawiya, ou Abdullah ibn Abbas, ou autres, ou même parmi les femmes, Umm Sulaym, ou la Aïcha radiallahu ta'ala anha, ou autres, tu te rends compte qu'on est loin, qu'il n'y a aucune comparaison entre la terre et la lune. C'est énorme. Il y a un grand fossé qui ne sait pas que c'est des hommes et des femmes qui étaient voués pour Allah, Azzawajal. فعلى الذي يريد النجاة في الدنيا والآخرة أن يبحث على الحق الذي كان عليه هؤلاء الكرام وربنا يقول فالحق أحق أن يتبع وقال فماذا بعد الحق إلا الضلال فليس في هذه الدنيا إلا حق أو ضلال وأمر عز وجل باتباع الحق فقال فالحق أحق أن يتبع وأنزل ربنا عز وجل هذا المنهاج المستقيم من فوق سبع سماوات وقال عنه وعن أصوله القرآن والسنة وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. Celui qui veut être sauvé dans ce bas monde et dans le delà, il faut qu'il cherche la vérité. Il faut qu'il cherche cette vérité sur laquelle étaient les compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit, et la vérité est en priorité à suivre. C'est elle, il est obligatoire de suivre la vérité. Et il a dit aussi dans un autre verset, qui est-ce qui a appris la vérité sinon l'égarement. Donc dans ce bas monde, il y a la vérité, il y a l'égarement. Il y a deux chemins, la vérité et l'égarement. Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre de suivre la vérité. La vérité, c'est elle qu'il est obligatoire de suivre. Et c'est elle qu'il faut suivre. Allah subhanahu wa ta'ala, cette voie sur laquelle était Muhammad alayhi salatu wassalam et ses compagnons, Allah alayhi, il l'a décrété du haut des 17 cieux. En étant au-dessus de son trône, au-dessus de tout, il a décrété cette voie. Et il a agréé cette voie sur que nous a légué Muhammad alayhi salatu wassalam, qu'on léguait après lui, ses compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Et il a dit des deux fondements. De ces deux fondements qui sont le Coran et la Sunna, وبالحق أنزلنا وبالحق نزل. Les deux fondements principaux de cette voie claire sur laquelle étaient les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam, leur fondement, il est dans la révélation d'Allah Azza wa Jal. Et il est aussi dans l'authentique de la Sunna de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et de ces deux fondements, il a dit avec la vérité, nous l'avons descendu. Et avec la vérité, il est descendu. والعاقل اللبيب هو الذي يبحث عن الحق ليأتيه وغير العاقل هو الذي لا يميز ولا يفرق لذلك قال عز وجل عن العقلاء أم لهم قلوب لا يعقلون بها فالذين يعقلون هم أصحاب القلوب والذين لهم قلوب ويعقلون يهتدون إلى الحق. Et celui qui est doué de raison, et d'une raison saine, il cherche la vérité pour accomplir cette vérité dans sa vie. Et celui qui n'est pas doué de raison saine, ben il ne fait pas la différence entre la vérité et l'égarement, entre la vérité et le faux. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a tiré notre attention sur ceux qui sont doués de raison. Est-ce qu'ils ont des cœurs avec lesquels ils ne raisonnent pas? Donc ceux qui sont doués de raison, ce sont ceux qui ont des cœurs avec lesquels ils raisonnent, avec lesquels ils captent les choses et la vérité, avec lesquels ils cherchent la vérité. Et ceux-là vont être guidés vers la vérité. Ceux-là, agissant ainsi, ils vont être guidés vers la vérité. فالله عز وجل يحب منا أن نأتي الحق وأن نتعلم الحق وأن نكون مع أهل الحق وأن نحب أهل الحق وأن نعيش على الحق وأن نموت على الحق لأن الذي يموت على شيء يبعث عليه الذي يموت على طاعة يبعث عليها والذي يموت على معصية يبعث عليها والذي يبعث على الضلال يبعث عليه والذي يموت على الحق يبعث على الحق. الله عز وجل veut de nous, a fait obligatoire pour nous que nous mettons en application la vérité et qu'on apprenne cette vérité. Et que nous soyons avec les gens de la vérité. et qu'on vive dans la vérité et avec la vérité, et qu'on aime les gens de la vérité, et qu'on meurt sur la vérité. Car celui qui meurt sur une chose, ben, il va être ressuscité sur la chose sur laquelle il est mort. S'il meurt sur une obéissance, ben, il ressuscitera dans l'obéissance. S'il meurt dans la désobéissance, la même chose. S'il meurt dans la vérité, la même chose. S'il meurt dans le faux et dans l'égarement, ben, la même chose. وجاء في صحيح السنة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو واقف بعرفة وهو محرم رضي الله عنه وارضاه وقصته ناقته أي اضطربت عليه فوقع من فوق الناقة فاندكت عنقه أي انكسرت فمات رضي الله عنه وارضاه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الكرام أن يغسلوه وأن يكفنوه في توبيه وأن لا يغطوا رأسه وقال فإنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا يوم يقوم من قبره يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يقوم موحدا لله سبحانه وتعالى مات على ذلك يبعث عليه إذن لتنتك لسنة قالت عليه الصلاة والسلام Un des compagnons de Mohammed alayhi salam, sa monture a été perturbée à un moment donné, il l'a jetée par terre, et son cou s'est cassé, il est mort après cette blessure. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a donné l'ordre au compagnon, au noble compagnon, de le laver et de le mettre dans le linceul, d'utiliser les vêtements avec lesquels il était dans le sacrement, et d'utiliser son ihram. Et il leur a donné l'ordre de ne pas cacher sa tête. Et il a dit, il sera ressuscité le jour de la résurrection en faisant tel billet directement. Labbayk Allahumma labbayk, labbayk Allahumma. Il sortira de sa tombe en déclarant le monothéisme. Faman mata ala ta'atin yub'atu alayha. Waman mata ala ma'asiyatin yub'atu alayha. Waman mata ala al-haq yub'atu alayhi. Waman mata ala al-batil yub'atu alayhi. Celui qui meurt dans la désobéissance sera ressuscité. Sur cette désobéissance. Celui qui meurt dans l'obéissance, il ressuscitera dans l'obéissance. Celui qui meurt dans la désobéissance, ce sera de même. Celui qui meurt dans la vérité, ben, ce sera de même pour lui. Et celui qui est dans l'égarement, ben, ce sera de même. Il ressuscitera dans l'égarement. فالحق حق أن يتبع. هذا يجب أن يكون بغية كل عاقل في الدنيا أنه يبحث عن الحق. وعقل الناس هم الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه وعقل الناس بعد الأنبياء أصحاب الأنبياء ومن هؤلاء العقلاء وأفضلهم أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأن الله علم فيهم خيرا فأسمعهم وهو الذي قال عنهم سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لما قالوا هذا لأنهم عقلاء قالوا سمعنا الحق واطعنا الحق سمعنا الحق واستجبنا للحق سمعنا الحق وامتثلنا الحق فهم أشرف خلق الله بعد الأنبياء وأزكى الناس وأطيبهم بعد الأنبياء والرسل فهذا المنهج السلفي الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة يجب أن يبنى على هذا الأساس على الطريق الذي كان عليه صحب رسول الله رضوان الله عليه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فهو الطريق المستقيم فهو النجاة في الدنيا وفي الآخرة نجاة في الدنيا من البدع ونجاة في الآخرة برضوان الله عز وجل Donc la vérité, c'est celle qu'il faut suivre à l'islam. Et ça doit être le but de tout un chacun qui est doué d'une raison saine. C'est de chercher la vérité, de mettre en application sur cette vérité et de mourir sur cette vérité. Et ceux qui sont le plus doués de raison, ce sont les prophètes d'Allah Azza wa Jal. Et après les prophètes, les compagnons des prophètes alayhi salatu wa salam. Il fait partie de ceux qui sont doués de raison saine, les compagnons de Muhammad alayhi salatu wa salam. Ce sont les plus nobles créatures d'Allah Azza wa Jal et humains après les prophètes alayhi salatu wa salam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait Ils savaient qu'il y avait un bien en eux. C'est pour ça qu'il leur a fait entendre la vérité. Et il a dit d'eux, on les décrit bon ainsi. Nous avons entendu, nous obéissons. Nous avons entendu, nous obéissons, et vers toi nous allons retourner, oh Allah. Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils étaient doués de raisons saines. Ils ont dit, nous avons entendu la vérité, nous obéissons à la vérité. Nous avons entendu la vérité, nous suivons cette vérité. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés de cette raison saine. Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert leur cœur pour la vérité. Et ce sont les plus nobles créatures d'Allah azza wa jal après les prophètes alayhi salatu wa salam. Et les personnes les plus pures et les plus bons dans tous les domaines et qui avaient le plus de science. Personne ne peut avoir la science qu'avaient les compagnons de Muhammad alayhi salatu wa salam. Et donc cette voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, qui est la voie d'il salafia, il est basé sur ce chemin. Son pivot principal, son pilier principal, sa fondation principale, c'est cette voie sur laquelle étaient les compagnons de Muhammad alayhi salatu wa salam et ceux qui les suivent. Ça ne peut pas sortir de là. Wa rasuluna sallallahu alayhi wa sallam haddathana an iftiraq hadhihi al-umma ba'dahu alayhi salatu wa salam. فقال صلوات ربي وسلامه عليه وتأمل معي الكلام افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الملة على 73 فرقة وهذا كان قبل زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعمل الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا للماضي افترقت اليهود وافترقت النصارى وهذا في الماضي ولم يستعمل الحاضر عليه الصلاة والسلام وقال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة والسين في ستفترق هذا للاستقبال أي لما سيأتي بعد سأقوم سأذهب عندما أتكلم لست بذاهب فهذا للمستقبل. Donc, frère en Allah, Azzawajal, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé ce qui va advenir de cette communauté. Et c'est lui qui a dit que la vérité. Et il est véridique dans tout ce qu'il nous a annoncé. Et c'est arrivé comme il l'a dit, alayhi salatu wa sallam. Il a dit dans le hadith authentique qu'on déplaise à ceux qui critiquent ce hadith parmi les groupes égarés et parmi ceux qui suivent leur passion et leurs idéologies. Il a dit, alayhi salatu wa sallam, les juifs vont se diviser. Les juifs se sont divisés en 71 groupes. Les chrétiens se sont divisés en 72. Et remarque avec moi, ce serait très important. Il a utilisé le passé. Ils se sont divisés. Que ce soit les juifs et les chrétiens, c'est-à-dire avant l'arrivée de Mohammed, alayhi salatu wa sallam. Il a dit de sa communauté, cette communauté va se diviser en 73 groupes. Ça veut dire au moment où il a parlé, il a utilisé ici le futur. Et qu'est-ce qui se passe pendant le présent? C'est le présent qui nous intéresse ici. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, et cette communauté va se diviser en 73 groupes. C'est-à-dire au moment où le prophète était présent, la communauté ne s'est pas divisée. فالحاضر لم يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بادئ ذي بدء ولكنه ذكره بعد سؤال قال الصحابة رضوان الله عليهم من هي يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة فقال من هي يا رسول الله قال الصحابة رضوان الله عليهم الباحثون عن الحق لكي يمتثلوا الحق وليكونوا مع الناجية إذا أدركهم ذلك الوقت وقت التفرق قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي وهذا هو الحاضر بين الماضي والمستقبل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ماضي تفرق الأمم، المستقبل تفرق هذه الأمة، الحاضر الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العنوان، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا الذي سأل عنه الصحابة رضوان الله عليه، لكي هذا هو الحق الذي يجب أن نكون عليه لكي ننجى في الدنيا من البدع وننجى في الآخرة من عذاب الله عز وجل. Donc le présent, dès le départ, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas cité. Il a commencé par la division de la des autres communautés dans le passé. Les juifs se sont divisés, les chrétiens se sont divisés. Et il a dit, cette communauté se divisera, il a utilisé le futur. Se divisera en 73 sectes. Tous en enfer sauf une. Et là, les compagnons, ceux qui voulaient être dans ce groupe qui sera sur la vérité, voulaient avoir la description de ce groupe pour le suivre, pour être parmi ces gens-là. Mais ya Rasulallah, c'est qui? Dans une version, il a dit le jama'a, c'est-à-dire le groupe. Une autre version qui vient expliquer ceci, la voie sur laquelle je suis moi et mes compagnons. Et ça, c'est le présent qui manquait. Il a cité le passé dans lequel sont tombées les autres communautés. Il a cité le futur dans lequel tombera cette communauté, ce qui y est arrivé. Hein? Et des compagnons l'ont vécu déjà. Hein? Et nous le vivons maintenant. Il a cité ce futur et il manquait une pièce de puzzle. C'est le présent. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a cité après que la question lui soit posée par les compagnons. Ils lui ont posé la question. C'est qui ce groupe sauvé? Pourquoi ils lui ont posé ça? Parce qu'ils cherchent la vérité. Parce qu'ils veulent être sur le chemin de la vérité. Parce qu'ils veulent avoir les descriptions de ce groupe pour être avec eux et pour être sauvés dans ce bas monde, de ne pas être en divergence avec les enseignements d'Allah et avec les ordres d'Allah Azza wa Jal et les enseignements de Mohammed alayhi salatu wa salam. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui c'est cette voie-là? Et quand tu entends 73 groupes en enfer, sauf une, sache, parce que certains, ils ont la toile d'araignée dans leur raison. Hein? Ils disent, bah, vous rendez mécréants toute la communauté de Mohammed alayhi salam. Chassakh al-Islam, on ne rend personne mécréant. Seulement, il faut que tu comprennes cette parole du prophète alayhi salam à la lumière des savants et des puiséules de cette communauté. C'est-à-dire qu'il va y avoir des personnes qui sont en divergence avec le prophète alayhi salam, dont la divergence avec Mohammed alayhi salam est du domaine de la mécréance. Parce que là, il est évident que la mécréance fait l'éternité au feu de l'enfer. Il va y avoir d'autres dont la divergence avec Mohammed alayhi salatu wasalam, c'est des petites innovations et des petites divergences. Hado, ils sont tahat al-mashi'a. C'est le vouloir d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut les châtier, ben il les châtiera. Et c'est une justice min Allah Azza wa Jal. Ben il veut leur pardonner. Ben il les pardonnera et ça c'est un bienfait min Allah Azza wa Jal. وهذا يدل أخي الإسلام على أن الافتراق في المنهج وفي الدين يؤدي إلى نار جهنم. فسألوه من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. ووضح معنى الجماعة في الرواية الأخرى فقال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالجماعة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو؟ وصحبه الكرام ما هو؟ أليس هو الحاضر عندما تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث الافتراق؟ بلى هو الحاضر. فهذا الحاضر الذي يجب عليك علي وعليك أن نبحث عنه وأن نكون عليه حتى نحظى برضوان الله سبحانه وتعالى يوم لقائه. Et ça, ça te prouve que le fait de se diviser dans la religion d'Allah Azza wa Jal et dans la voie de cette religion et de se diviser dans cette religion, cela amène vers l'égarement, cela amène vers la colère d'Allah Azza wa Jal, cela amène vers le feu de l'enfer, vers le châtiment. Et les compagnons voulaient avoir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Il dit, c'est qui celle qui va être sauvée? Il a dit le groupe. Comme on a dit, ce groupe, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas expliqué, parce que ce n'est pas n'importe quel groupe. C'est un groupe bien particulier. Il a un étendard, il y a un emblème. La voie sur laquelle je suis moi et mes compagnons. Ça veut dire la voie sur laquelle était Mohammed alayhi salatu wa salam et ses compagnons. Ça, c'est le groupe. même si tu es tout seul. Hein? Mais tu es dans un coin perdu, tu es tout seul. Et tu es sûr, tu te comprends à la voix de Mohammed alayhi salatu salam, ses compagnons, c'est toi le jama'a. Et les compagnons ont demandé pour être dans ce groupe. Et la voix sur laquelle était Mohammed alayhi salatu salam, c'est le présent. À l'époque de Mohammed alayhi salatu salam. Et donc c'est ce présent-là, cet emblème-là, ce titre. La voie sur laquelle je suis, moi et mes compagnons, c'est ça qu'il faut chercher. C'est ça qu'il faut accomplir dans notre vie de tous les jours. Que ce soit dans nos pratiques religieuses, dans notre comportement avec autrui, avec nos enfants, avec nos femmes, avec, etc. C'est cette voie-là qu'il faut accomplir dans tous les domaines. Pour avoir l'agrément de Allah, Azzawajal, quand on le rencontre, et pour être épargné de tomber dans les divergences avec Mohammed alayhi salatu salam dans nos pratiques ici-bas. فالحاضر الذي بين الماضي والمستقبل هو في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك جماعات ولا تفرق في الدين كانوا جماعة واحدة وهذا يسوقنا إلى هذا السؤال ليتبين لنا عظم مكانة الصحب الكرام كيف يجب علينا فهم هذا الدين وتطبيقه وفهم وحييه وتطبيقهما donc ce présent qui est entre le passé et le futur c'est la voie à l'époque de Mohammed alayhi salam c'est la voie sur laquelle était Mohammed alayhi salam et ses compagnons à cette époque il n'y avait pas de groupe. Il n'y avait pas de division dans la religion, ni dans la voie. Ils étaient un seul groupe. Une seule voie. Cela nous amène à se poser cette question. Pour comprendre la valeur et la place qu'avaient les compagnons de Mohammed alayhi salatu salam. Comment il faut comprendre cette religion? Comment il faut mettre en application les enseignements de cette religion? Comment il faut comprendre la parole d'Allah Azza wa Jal? Et la sunna est l'authentique de la sunna de Mohammed alayhi salatu salam. Ana maghrabi. Wa anta europi. Wa daka sharqi. Wa hada amriki. Wa hada ingilizi. Daka arabiyun wa daka ajami. Anta adhka minni. Wa afham minni. Anta ala darajatan ilmiyatan minni. Fahina idilla buddha natafawat. الفهم لا بد أن تتفاوت أفهامنا بحسب علمنا واختلاف بيئاتنا واختلاف أعمارنا فما دمنا سنختلف في الفهم إذن سيحصل لنا اختلاف في التطبيق Je suis marocain. Tu es asiatique. هذا qu'il est belge. L'autre il est français. L'autre il est anglais. L'autre il est américain. Et ainsi de suite. Celui-là, il est arabe. Celui-là, il est non-arabe. Tu as plus de bagages au niveau de ta formation, au niveau de ton éducation et des études que tu as fait que moi. Donc, il est évident que tu as un QI plus élevé. Tu fais partie d'une catégorie sociale. Donc, tu avais les moyens, etc. pour les études, etc. Il est évident que ça va élargir aussi ton champ culturel. Et ainsi de suite. Donc, tout ceci va jouer sur notre compréhension. Et tout ceci va nous amener à être en divergence dans la compréhension. Et si nous tombons dans la divergence dans la compréhension, donc il est évident que dans la mise en pratique, nous tombons dans la divergence. Vrai ou faux? Fa mal hal? Ma huwa al hal? Ma huwa al makhraj? C'est quoi la solution? C'est quoi la porte d'issue? Comment sortir de ce dilemme? Wa antum taroun fi l'umma al-an rukn asasi min arkan l'islam ala wa huwa salat fina man yusalli wa huwa yusdi l'yadeh fina man yusalli wa l'yumna ala l'yusra fauqa farjeh fina man yaj'alaha tahta surratih fina man yaj'alaha fauqa batnih fina man yaj'alaha فوق نحره فينا ما نجعلها ها قلبي يا قلبي. كيف؟ أين الحق؟ فينا ما نجعل الأصبع أمام الأصبع هكذا فوق الصدر. أين الحق؟ ما هو الحق في كل هذا؟ لماذا اختلفوا؟ لماذا هذا الاختلاف؟ لأنهم اختلفوا في الفهم. لأنهم اختلفوا في الفهم أخي الإسلام. Tout un chacun de nous voit dans l'un des piliers, l'un des grands piliers après l'attestation de foi qui est la prière, la divergence qu'il y a dans la communauté. Il y a des gens parmi nous qui prient les mains tout au long du corps. D'autres ont la main sur leur partie intime, la droite sur la gauche sur la partie intime. D'autres sur le nombril, d'autres sur le ventre. L'autre, il l'a mis sur la poitrine. L'autre, il met sur la poitrine, mais doigt devant le doigt. Il fait juste rencontrer ses doigts. L'autre, il l'a mis sur son corps. Oh, mon cœur. L'autre, il l'a mis vis-à-vis de sa gorge. Hein? Hein? Pourquoi cette divergence? Pourquoi cette divergence? Parce qu'ils ont divergé dans la compréhension. Donc, ça les a amenés à une divergence dans la pratique. والله عز وجل يريد منا أن نفهم هذا الدين الذي هو الوحيين بفهم واحد لكي تتحد كلمة العرب وكلمة العجم. فالفهم الواحد يؤدي إلى جمع الكلمة. وهذا الفهم الواحد ما هو يا أخ الإسلام؟ أين من أين نأتي بهذا الفهم يا أخ الإسلام؟ أنأتي به من أركان جماعة أسست بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 1300 سنة، أو نأتي به من أركان جماعة أو مذهب ألف بعد 4 قرون من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يا أخي الإسلام، الفهم الواحد الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى هو فهم الصحابة. فانظر حولك اختلاف الأمة، لما؟ لأنها ابتعدت عن فهم الصحابة وعن تطبيق أولئكم الأخيار الذين اختارهم الله وجعلهم معالم على الطريق الذي ارتضاه الله عز وجل. veut de nous que nous comprenions cette religion avec une seule compréhension. Il veut de nous que nous comprenions sa parole qui est le Coran et la sunna de Mohammed alayhi salatu salam, l'authentique, avec une seule compréhension. Pour que s'unisse la parole des Arabes et des non-Arabes, il faut une seule compréhension. La parole des Asiatiques et des Africains ne peut être unie qu'avec une seule compréhension. Cette compréhension, où est-ce que nous allons la chercher? Nous allons la chercher dans les fondements d'un groupe qui est né 14 siècles après la mort de Mohammed alayhi salatu salam. Ou là 4 siècles après la mort de Mohammed alayhi salatu salam, ou là 2 siècles après la mort de Mohammed alayhi salatu salam, loin de là, à l'islam. Cette compréhension unique que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, c'est la compréhension d'Abu Bakr, de Omar, de Uthman, de Ali, de Muawiya, d'Abu Huraira, des compagnons de Mohammed alayhi salatu salam et ceux qui les suivent à la perfection. Il n'y a pas d'autre compréhension. On ne peut pas y arriver. Pourquoi tant de divergences, ce déluge de divergences qui n'arrête pas? Parce qu'on est loin de la compréhension des compagnons de Mohammed alayhi salatu salam. On est loin de la mise en application des compagnons de Mohammed alayhi salatu salam. Les compagnons de Mohammed alayhi salatu salam ont vécu la révélation. Ce Coran et cette Sunna descendaient avec leur langue. Ils étaient des Arabes purs. Ils comprenaient le langage. Ils n'avaient pas de toutes ces sciences-outils, les différentes sciences concernant la langue arabe, les sciences du hadith, les sciences au sol fiqh et au sol tafsir, rien du tout. Le Rasoul devant eux pratiquait. Le Rasoul disait une phrase, s'il ne la comprenait pas, il demandait au prophète alayhi sallam, il est sorti là directement. Ils avaient la matière première qui est la parole d'Allah Azza wa Jal, l'authentique, les paroles du prophète alayhi sallam, les approbations de Mohammed alayhi salam, les actes de Mohammed alayhi salam, Et en même temps, quand ils avaient un problème, Rasulallah alayhi wa sallam leur dit. Ils avaient dit direct. Ceux qui sont venus avec, après eux, ils avaient besoin de beaucoup plus de choses. D'abord, regarde, quelqu'un parmi nous maintenant. Combien de temps il nous faut pour apprendre l'arabe et le maîtriser? Ah, d'après combien de temps il faut mettre pour les sciences du hadith, les sciences de la jurisprudence, et ainsi de suite. Combien de temps? De l'énergie et du temps. Hein? Donc c'est impossible qu'on puisse revenir à une compréhension de nos jours. Il faut revenir à la compréhension de nos plusieurs. Et la parole du puiser d'Allah alim et tibinit min Allah azza wa jal. Deux phrases, trois phrases, tu sortais du dilemme. La parole de ceux qui sont venus après ont eu besoin de plus de détails. Prends juste un exemple. Cheikh l'Islam, le Taymiyyah rahmatullah alayh, quand il a répondu à la question d'Ahl Wasit avec Risala, avec l'Aqid al-Wasit, il y a combien de pages? Ça fait 12, ça fait 24 pages. À notre époque, pour qu'on puisse la comprendre, combien? Prenez un seul exemple. Hein, l'une des grandes interprétations et qui fait partie des meilleures, celle de du jurisconsulte par excellence du monde contemporain qui est Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah. Deux tomes. Deux tomes. Cela ne veut pas dire que il est loin de la compréhension du puzzle. Mais cette compréhension du puzzle, il avait besoin de la détailler pour que nous, à notre époque, on puisse comprendre le langage de nos puzzles d'Allah alayhim. Hein? Vous avez vu combien? Prends le fascicule en lui-même, qu'ont eu les gens de Waset dans leurs mains au 7e siècle, et prends maintenant nous pour pouvoir bien maîtriser cette aqida al-wasitiya. Prends, regarde, et tu compares le temps qu'il nous faut. Donc il est obligatoire qu'on revienne à cette voie dans laquelle il n'y a pas de perte de temps. Donc c'est à cette voie de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, la voie qu'on propageait, qu'avaient les compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient directement à la source. À la source directement. Et plus on s'éloigne, plus le chemin est plus long. وتطبيق الوحيين وفهم ما خل الإسلام يكون بفهم الصحابة وهذا حتم لازم والأدلة على ذلك كثيرة في كتاب الله وربنا مدح صحابته رضوان صحابة رسول الله رضوان الله عليه يقول في حقهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا والخطاب هنا للصحابة رضوان الله عليه إذن الصحابة على هداية إذن الصحابة كانوا على الصراط المستقيم كانوا على هداية رضوان الله عليهم والذين يخالفونهم ليسوا على هداية أبدا فكيف بمن يسبهم ويكفرهم هذا بالطبع ليس على الصراط المستقيم ولا قريبا من الصراط المستقيم la mise en application des révélations Coran, l'authentique de la Sunna du Prophète, et leur compréhension, il doit se faire avec la compréhension et la mise en application du compagnon du Prophète. Ceci, ce n'est pas un surrogatoire, c'est une obligation. Ce n'est pas du domaine du surrogatoire. Hein? C'est obligatoire. Et les preuves sont nombreuses dans la parole d'Allah, Azza wa Jalla, et dans l'authentique de la Sunna du Prophète. Allah, subhanahu wa ta'ala, les cite en leur faisant leur éloge, il dit d'eux, du compagnon de Mohammed Ali. S'ils croient à la même chose à laquelle vous croyez, ben ils sont guidés. Et le discours, il était adressé à qui quand il a été révélé? Les compagnons étaient présents. Donc, en priorité, rentre dans ce discours. Hein? Donc, ça veut dire que les compagnons de Mohammed Ali, ils étaient sur une guidée, sur une voie claire, ils étaient sur la rectitude. Et ceux qui sont en divergence avec eux ne sont pas sur la guidée, ne sont pas sur la voie droite. Qu'en est-il pour ceux qui les insultent? Qu'en est-il pour ceux qui les rendent mécréants? L'aïdan billah. Il est évident que ceux qui les rendent mécréants et qui les insultent ne sont pas sur la voie droite. Ni que la voie Allah subhanahu wa ta'ala, ni que la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Qala azza wa jal wa man yushaqiq al-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin. Nuwallihi ma tawalla. ونصلي جهنم وساعة مصيره وقال في الآية الأخرى مادحا صحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. ومما لا شك فيه لست تابع لست مهاجريا ولا أنصاري ولا أنا كذلك، فماذا بقى؟ والذين اتبعهم بإحسان، تبعهم في الفهم، تبعهم في العقيدة، تبعهم في الأخلاق، تبعهم في التطبيق لهذا الدين. نوله ما تولى، أي يعاقبه الله سبحانه وتعالى. الذي تولى عن سبيل المؤمنين وأعرض عنه يوله الله سبحانه، يعاقبه الله سبحانه وتعالى على إعراضه عنها عن منهاج الصحابة رضوان الله عليهم، أي يعاقبه الله سبحانه وتعالى لأنه حاد وشق فهم صحابة رسول الله وعمل صحابة رسول الله والتطبيق العملي لهذا الدين ولما في القرآن ولما في السنة. لأن الفهم الصحيح لكتاب الله ولسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام هو لصحابة رسول الله، لأن الله قال عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذا رضوان الله عليهم، والآخرين والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم، أي تريد أن تكون من الذين رضي الله عنهم يجب أن تتبع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم رضي الله عليهم بدون قيد. ولكن الذين أتوا من بعدهم لا بد لهم من هذا القيد ومن هذا الشرط، الاتباع بإحسان. والله لا يرضى عن القوم الظالمين، والله لا يرضى عن من لا يحبه، والله لا يرضى عن من خالف الصراط المستقيم، والله لا يرضى عن من خالف المنهاج الذي ارتضاه عز وجل. L'autre verset qui te prouve quoi, il est obligatoire de revenir à cette voie, à cette compréhension, à cette mise en application de des compagnons de Mohammed alayhi sallallahu sallam en ce qui concerne la parole d'Allah et l'authentique de la sunna de Mohammed alayhi sallallahu sallam. Le verset il te dit: celui qui prend une autre voie que la voie du messager après avoir reçu la preuve, qui suit un autre chemin que le chemin des croyants. Et c'est les croyants qui étaient là au moment de la révélation, ce sont les compagnons de Mohammed alayhi sallallahu sallam. Qu'est-ce qui va lui arriver? Nous allons lui faire l'alliance avec ceux avec qui il a cherché alliance et sa demeure sera l'enfer. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala châtie celui qui prend un autre chemin que le chemin des compagnons de Mohammed alayhi sallallahu sallam. Il châtie ceux qui ont pris une autre compréhension que la compréhension des compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il châtie ceux qui ont pris des croyances autres que les croyances des compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il châtie ceux qui ont fait des mises en application qui ne sont pas la mise en application des compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il les châtie. Et dans l'autre verset, il est promis parmi les immigrés, ceux qui ont quitté la Mecque pour Médine, pour sauver leur religion. Et leurs alliés, l'Ansar, qui les ont reçus à Médine, ceux-là, ils ont reçu les deux catégories. Les Mouhajir et l'Ansar, ils ont reçu l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et eux, ils agressent Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ceux qui les suivent, le verset, il dit, et ceux qui les suivent à la perfection, qu'est-ce qu'ils vont avoir? L'agrément d'Allah Azza wa Jal. Mais pour avoir cet agrément d'Allah Azza wa Jal, à ceux qui ne sont ni des alliés de Médine, ni les Mouhajir de la Mecque, il faut qu'ils suivent le muhajirun ou l'ansar à la perfection. Tu n'es ni muhajir, je ne le suis pas. Tu n'es pas ansar, je ne le suis pas non plus. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste pour avoir l'agrément de l'Allah? C'est de suivre leur voie. Leur voie dans l'aqida, dans les croyances, dans la compréhension, dans la mise en application, dans le comportement, dans tout. C'est là où réside, c'est là où se trouve l'agrément de l'Allah. Et il est évident, Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas ceux qu'il n'aime pas. Il agrée ce qu'il aime. Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas ceux qui sont en dehors de la rectitude. Ou là, à droite ou à gauche de la rectitude, de la voie qu'il a agréée. Loin de là. Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas les injustes. Tous ceux qui sont en divergence avec Sirat al-Mustaqim, Allah subhanahu wa ta'ala ne les agrée pas. Tous ceux qui sont en divergence avec la voie que Allah subhanahu wa ta'ala a décrétée comme voie qui ramène à son agrément, il est évident que ceux qui sont en contradiction, ils sont sur une autre voie qui n'est pas celle-ci, bah Allah subhanahu wa ta'ala ne les agrée pas. ومن تنكب الصراط المستقيم فهو ظالم لنفسه ومن دعا إلى غير الصراط المستقيم فهو ظالم والله لا يرضى عنهم ولا يرضى عن القوم المجرمين. هذا الذي يخالف صراط الله مجرم. والله يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. Celui qui dévie de la rectitude, de la voie droite, c'est un injuste avec lui-même. Et celui qui appelle vers une autre voie que la voie droite, ben, il commet une injustice sur les autres aussi, il les égare. Et donc il est injuste. Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas les injustes. Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas les criminels. Et celui qui appelle vers une autre voie que la voie de Mohammed alayhi salatu wasalam, que la voie sur laquelle étaient les compagnons de Mohammed alayhi salatu wasalam, il est évident que c'est un criminel. Et dans un verset, il dit, est-ce que vous mettez à pied d'égalité les soumis et les musulmans, hein, et vous les mettez à pied d'égalité avec les criminels, comment vous jugez? الذي يتبع صراط الله هذا يدخل في رضوان الله عز وجل والذي يخالف الصراط فلا يحظى برضوان الله سبحانه وتعالى. Celui qui suit الصراط المستقيم que الله سبحانه وتعالى agré, cela aura l'agrément d'Allah عز وجل. Et celui qui s'en détourne, il n'aura pas l'agrément d'Allah عز وجل. فلفظ هذه الآية صعب ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا يعاقبه الله في الدنيا على إعراضه وفي الآخرة يصليه جهنم إن لم يتب وإن لم يتغمضه الله برحمته. وكيف يعاقبه الله في الدنيا؟ يصير فيها مفتنا يرى السنة بدعة والبدعة سنة والحق باطل والباطل حقا والحق والخطأ صواب والصواب خطأ والمنكر معروفا والمعروف منكرا تنقلب عنده الموازين. Donc l'expression dans ce verset il est très dur. Celui qui prend une autre voie que la voie du messager après avoir reçu la preuve et qui prend un autre chemin que le chemin des croyants, nous allons faire l'alliance avec ceux avec qui il a cherché alliance. Et sa demeure sera l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala le châtie déjà dans ce bas monde. Parce qu'il s'est détourné de la voie des croyants. Et dans le delà, il aura le châtiment. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne pas ou ne le couvre pas de sa sainte miséricorde, bah, le feu ce n'est pas facile. Et comment il est châtié dans ce bas monde? Bah, il est perturbé dans sa vie. La bid'a devient la sunna pour lui. La sunna c'est la bid'a. La vérité, c'est le faux pour lui. Et le faux, c'est le vrai pour lui. Et ce qui est juste, ben, c'est faux chez lui. Tout est renversé. Le marouf, ce qu'il faut faire, ça devient un blâme pour lui. Et ce qui est blâmable, c'est le bien pour lui. Tout a été renversé. Lima, إن ربنا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا بد أن يفتن. والفتنة هنا كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه هي الشرك لعله أن يرد بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقع في الشرك. Pourquoi tout ça? Parce que Allah a décrété. Le verset nous dit ceci, qu'il fasse attention de ceux qui sont en divergence avec l'un de ses ordres. L'ordre de qui de Mohammed alayhi salatu wasalam. Un ordre. Maintenant on se pose tous la question, avec combien d'ordres nous sommes en divergence avec Mohammed alayhi salatu wasalam? Vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos femmes, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis. Chacun de nous, il fait le compte avec lui. Pour voir qu'on est dans un... C'est dangereux. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il fasse attention à ceux qui sont en divergence avec l'un de ses ordres. Hein? Qu'est-ce qui leur arrive? Le fitna. Le fitna ici, on a demandé à l'imam Ahmad rahmatullah alayh, c'est quoi le fitna? Il a dit, il va rejeter des paroles du prophète alayhi salatu wasalam, c'est ce qui est tombé dans l'associationnisme. Ou le châtiment. Ou il leur arrive l'énorme châtiment. Ou il leur arrive l'énorme châtiment. Ou min al fitan, tarku min hajillah, fa hadi a'zamu fitnatin, l'annahu arrada nafsahu li sakhatillah, arrada nafsahu li azabillah. Falhasilu annahu la budda min fahmi al-Qur'an wa s-sunna bi fahmi s-sahaba. والرسول يقول افترقت وبين الناجي من هذه الفرق وقال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Il fait partie du grand fitna, c'est d'être à côté de la plaque. Des troncs divergences avec la voix que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Ça, c'est les plus grandes perturbations. Car la personne est exposée au châtiment d'Allah Azza wa Jal. La personne est exposée à recevoir le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Donc, il est obligatoire pour nous de comprendre la parole d'Allah et l'authentique de la sunnah du prophète alayhi salam avec la compréhension des compagnons de Muhammad alayhi salam. Car Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il nous a parlé des communautés qui se sont divisées. Et il a dit de cette communauté qu'il va se diviser. Et que tous seront en enfer sauf une. La seule, celle qui va être sauvée dans ce bas monde des innovations et dans le delà du châtiment d'Allah, c'est celle, ceux qui sont sur la même voie que Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Limada hasara ahlus sunnati wal jama'a fahma ad-din وفهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة ولماذا حصل العمل لأنه لا يكون صحيحا إلا وفق عمل الصحابة لأن أخ الإسلام يجب أن نفهم هذا جيدا لأن الصحابة هم الذين نقلوا إلينا القرآن والسنة نقلوا لنا المبنى والمعنى معا ومن هنا تفهم لماذا قال أهل العلم في الرافضة لو كانوا بهائم لكانوا حمرا ولو كانوا طيرا لكانوا رخما لبلادتهم ولمخالفتهم للصحابة ولسبهم لهم ولتكفيرهم لهم. Pourquoi maintenant les hommes de science ont arrêté, les hommes de science dignes du nom, ceux qui suivent leur plusieurs doigts d'Allah, ont arrêté la compréhension de cette religion et la compréhension du livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète à la compréhension des compagnons. C'est tout simplement, la seule compréhension qu'il doit y avoir, c'est la compréhension des compagnons de ceux qui les suivent à la perfection. Et pourquoi la même chose pour les actes? Les actes, pour être conformes à ce qui est décrété par Allah, à ce que nous a enseigné Mohammed alayhi sallatu salam, ils doivent être selon la voie des compagnons de Mohammed alayhi sallatu salam. Parce que les compagnons de Mohammed alayhi sallatu salam nous ont transmis la révélation, le livre d'Allah et la sunna de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ils nous ont transmis les textes et la compréhension des textes et la mise en application des textes. Ils ont tout transmis à la fois. Les textes, la signification des textes et comment il faut mettre en application ces textes. D'où là tu comprends pourquoi les hommes de science comme Chabi ou autres ont dit si Rafida était des animaux, ce serait des ânes. Ou s'ils étaient des oiseaux, ce serait des raham. Parce qu'ils sont stupides. Ils sont insensés. On ne peut comprendre cette religion et la mettre en application sans la compréhension des compagnons de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont rendu mécréants tous les compagnons de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, sauf 5 ou 6. فالصحابة رضوان الله عنهم كتبوا القرآن بأيديهم وهذا شرف عظيم لم تحظى به الرافضة ولا غير الرافضة وجمعوه رضوان الله عليهم جمع بأمر من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى وارضاه ووضعه في بيت حفصة رضوان الله عليه في زمان الصحابة الكرام وهم الذين نسخوه وأمر بنسخه عثمان بن عفان رضي الله تعالى وارضاه أمير المؤمنين في زمان الصحابة وهم الذين شكلوا القرآن ونقصوه في زمان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قام به بأمر من علي رضي الله تعالى وارضاه أبو الأسود الدؤلي وهم الذين علموا المحكم والمتشابه من القرآن فلم يكن أحد منهم مع الخوارج يوم خرجوا على علي وهم الذين علموا الناسخ والمنسوخ هم الذين علموا أسباب نزول هذا القرآن وأين نزل وهم أعلم بتفسيرات القرآن وربنا أقرهم على أمانتهم فالطعن في الصحابة طعن في دين الله عز وجل ولعنة الله على من يسبهم وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان ربنا وعدهم بالجنة قال عز وجل عنهم وكلا كل الصحابة وكلا وعد الله الحسنى كلهم رضوان الله عليهم ذكورا وإناثا وكلا وعد الله الحسنى Frère Allah, Azzawajal, les compagnons de Muhammad alayhi salatu wasalam, avec leurs nobles mains, ils ont écrit la révélation d'Allah Azzawajal. Ils l'ont réuni. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés. Le Coran a été réuni par l'ordre d'Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala. Et il a été déposé dans la maison de Hafsa ridwanullahi alayhi, à l'époque des nobles compagnons de Muhammad alayhi salatu wasalam. Si eux qui l'ont transcrit, qui ont fait plusieurs copies avec leurs mains, ils l'ont écrit, Redouallah. Et ceci par l'ordre de Uthman ibn Affan, qui était le prince des croyants à cette époque, à l'époque des compagnons, Redouallah. Et c'est eux qui lui ont mis la ponctuation avec l'ordre de Ali, radiyallahu ta'ala, Redouallah. Sinon, akhal islam, avant, ni le fa n'avait un point, ni le qaf n'avait un point, il n'y avait pas de point. Ali radiyallahu ta'ala anwarda a donné l'ordre à Abu al-Aswad de Ali pour mettre cette ponctuation, pour mettre les points, pour différencier le qaf du qaf. Regardez ce bienfait, regardez cette facilité qu'ils ont donnée à ceux qui sont venus après eux. Sinon, le ha s'écrivait comme le kha, il n'y avait pas de points. Tous, ils étaient de la même forme. Ta n'avait pas de deux points, le ba et ainsi de suite. Hein? Et regardez ce bienfait, ce travail colosse qu'ils ont fait, Ridwanullah alayhim. Hein? Pour que ça devienne facile pour ceux qui sont venus après eux. C'est eux qui savent les versets clairs et les versets qui ne sont pas clairs. Le muhkam al-mutajib, ils le connaissaient, Ridwanullah alayhim. Personne n'est mieux qu'eux dans la compréhension de la parole d'Allah azzawajal. C'est pour ça que le jour où les khawarij étaient ont pris les armes contre Ali radiallahu ta'ala, aucun compagnon n'était avec les khawarij. Ils étaient seuls. Ils avaient pris l'indépendance. Pourquoi ils étaient des khawarij? Ils avaient pris l'indépendance dans la compréhension. Ils ont compris les textes comme eux ils voulaient. Selon leur passion et leur raison, ils ne l'ont pas compris comme l'avait compris Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar et les autres compagnons de Muhammad alayhi salatu wasalam. C'est pour ça qu'ils ont sorti leurs épées de leurs fourreaux, et ils ont fait couler le sang du compagnon de Muhammad alayhi salatu wasalam. Ils ont pris les armes contre le prince des croyants qui était Ali radiyallahu ta'ala anhu. Warda. Et ce sont les compagnons de Muhammad alayhi salatu wasalam qui connaissent les versets abrogés et les versets qui sont abrogés. Ils connaissent les versets qui abrogent et ceux qui sont abrogés. Personne n'est mieux qu'eux dans cette connaissance. Ils connaissent les causes de la révélation. Pourquoi le verset a été descendu? Où il a été descendu? L'endroit où il a été descendu, ils ne l'ont transmis. Ainsi que la cause pour laquelle il a été. Ils connaissent toutes les interprétations possibles d'un verset. Allah subhanahu wa ta'ala a prouvé leur dignité. Ils sont dignes par l'approbation d'Allah azzawajal. Le fait de critiquer et d'insulter les compagnons de Mohammed, c'est critiquer cette religion. Et c'est porter atteinte au message de Mohammed, indirectement. Parce qu'ils ont transmis de Mohammed. Parce qu'ils ne peuvent pas aller directement à la critique de Mohammed, ils sont passés par la critique de ses compagnons. Pour que les gens disent après, Hada, c'est un mauvais homme. C'est pour ça qu'il avait des mauvais compagnons. Ah, ce qu'il voulait. Le fait d'insulter les compagnons de Mohammed alayhi salatu wasalam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala maudisse ceux qui les insultent ou là ceux qui les rendent mécréants. Parce que, comme dit l'imam Tahawi rahmatullahi alayhi, dans Aqidat al-Sunnah al-Jama'a, le fait de les aimer fait partie de la religion et de la foi et de la bienfaisance. Et le fait de les détester, c'est de la mécréance, de l'hypocrisie, dépasser ses limites. Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis à tous le paradis. Hommes et femmes qu'ils étaient. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Et tous Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis le paradis. Fa sahabatuhum naqalatu al-Qur'an. Wa ma'ani al-Qur'an. Wa naqalatu sharh al-Qur'an ladhi huwa as-sunnah. Wa hiya aqwalu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa af'alu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa taqriratu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa min huna ta'lam ghaba'a الرافضة وغباء من يتنقص ويكفر صحابة رسول الله. Donc, les compagnons de Mohammed alayhi salam, ce sont eux qui ont transmis ce Coran. et la signification de ce Coran. Ils ont transmis avec ce qui interprète ce Coran, qui est la parole de Muhammad alayhi salatu wasalam, qui est une révélation minallah azza wa jalla. Ils nous ont transmis le Coran et ce qu'il explique aussi avec. Cette sunna de Muhammad alayhi salatu wasalam qui est les paroles, les actes et les approbations de Muhammad alayhi salatu wasalam. De là, tu connais la situation dans laquelle sont tombés Rafida. Ils sont insensés quand ils rendent mécréants les compagnons de Muhammad alayhi salatu wasalam. Comment ils peuvent comprendre cette religion? Comment ils peuvent la mettre en application? فتساءل أخ الإسلام معي هذه الأسئلة. من الذي رأى أفعال رسول الله؟ من الذي سمع أقوال رسول الله؟ من الذي علم تقريرات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي بلغ ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Pose-toi ces questions, frère, en Allah Azza wa Jal. Qui a vu les actes de Muhammad alayhi salatu wasalam? Qui a entendu la parole de Muhammad alayhi salatu wasalam? Qui a vécu les approbations de Muhammad alayhi salatu wasalam? Et qui a transmis l'héritage de Muhammad alayhi salatu wasalam? وكما أنهم كتبوا لنا القرآن فإنهم كتبوا لنا السنة كذلك ودونوها بأيديهم وكان عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص لما نهته قريش عن كتابة الحديث بقولهم أتكتب كل ما تسمع منه حال رضاه وحال سخطه فذهب واشتكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام مقرا له على كتابته اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق وأشار بأصبعه إلى فمه صلوات ربي وسلامه عليه. Donc, comme ils ont écrit le Coran, ils nous ont écrit Sunna aussi. Il y avait certains compagnons qui écrivaient la Sunna du prophète. Ils écrivaient avec leurs nobles mains. C'est pour ça qu'Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhu, quand Quraysh lui a interdit d'écrire ce que dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire tout ce que dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu, il a dit à Rasoul Allah, ils m'ont interdit de décrire ce que tu dis. Il s'est plaint à Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam. On dit pourquoi tu écris? Là, il parle. Des fois il est réjoui, des fois il est en colère et toi tu écris tout. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a approuvé l'acte d'Abdullah ibn Amr ibn al-As. Il lui a dit écrit par celui qui tient mon âme entre ses mains, ne sort de cette bouche que la vérité. Et il a montré sa bouche. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Donc il a approuvé Abdullah ibn Amr ibn al-As dans le fait d'écrire ce que disait le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que les compagnons ont écrit, ils ont eu cet honneur d'écrire le Coran et d'écrire les actes et les approbations de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et les dires de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam. فصراط الله المستقيم وفهم الصحابة رضوان الله عليهم وتطبيقهم لكتاب الله ولسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام فهم سلفنا الصالح فلنكن خلفا صالحا وإلا سنكون الخلف الطالح. Donc la voie droite et la rectitude, c'est la compréhension du compagnon de Muhammad alayhi sallam. La mise en application, c'est la mise en application du livre d'Allah Azza wa Jal et de l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Ce sont eux, nos pieux prédécesseurs et nos pieux aïeuls. Il faut que nous soyons des successeurs pieux. Sinon, nous allons être le contraire. Il faut être digne de leur suivi et de les suivre à la trace. Sinon, nous allons être le contraire. Wa qala Azza wa Jal, وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فهذه وصية الله وكما أنه عز وجل يحب منا اجتماع الأبدان فكذلك يحب منا أن تجتمع أفهامنا وهذا أهم من اجتماع الأبدان اجتماع الأفهام على منهاج السلف الصالح رضوان الله عليهم وعلى فهم السلف رضوان الله عليهم ولذا أتيل عن بعض أهل العلم قولهم نحن جماعة أفهام ولسنا بجماعة أبدان. Et الله سبحانه وتعالى dans le Coran plusieurs versets nous donnent ce sens. Ça c'est ma voie droite, suivez-la et ne suivez pas les autres chemins qui vont vous égarer du chemin d'Allah. Et ça c'est l'ordre d'Allah, c'est l'ordre que الله سبحانه وتعالى a intimé à tout le monde. Faut suivre là la rectitude de la voie droite. comme Allah subhanahu wa ta'ala veut nous, de nous de se réunir, hein? On se réunit dans les prières, on se réunit pour le pèlerinage, on se réunit pour la prière de l'Aïd, etc. Il veut qu'on se réunisse ici au niveau de la compréhension. Ceci est beaucoup plus important. L'union de la compréhension. Cette union de la compréhension autour de la compréhension du compagnon de Mohammed alayhi salam. C'est pour ça qu'il nous a été rapporté de certains de nos puissants, d'Allah alayhim, que disait d'Allah alayhim, ouais, ils se rencontraient, ils avaient les mêmes idées entre eux, alors que lui il est en Inde et l'autre il est au fin fond d'Afrique ou là d'Afrique du Nord. Ils se rencontraient au pèlerinage et ils discutaient au niveau de la science, ils arrivaient au même point. Et ils disaient, voilà, nous ne sommes un groupe de compréhension, nous n'avons pas un rassemblement de personnes. Nous sommes d'abord un groupe de compréhension. Et cette union de la compréhension ne peut se faire qu'en étant sur la même compréhension que la compréhension du compagnon de Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est elle qui réunit tout le monde, ceux qui sont en Inde et ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont à l'est et ceux qui sont à l'ouest. Il les ramène au même point. Fas-sa'idu minna man junniba al-fitan wa yufitnatin. أي فتنة أعظم من الوقوع في عرض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقصهم وتكفيرهم والخروج على فهمهم وصحابة نبينا فيما صدر منهم يدورون بين الأجر والأجرين وقد نزه الله قلوبهم فالله سبحانه وتعالى جعل قلوبهم أوعية لذكر الله وكتابه الحكيم ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا يظن بهم إلا كل خير فهم أشرف الخلق بعد الأنبياء اختارهم الله لصحبة نبيه وهذه الأمور التي يفتن بها بعد المفتون الآن الناس والتي جرت بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم بين مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ ويدورون بين الأجرين والأجر الواحد رضوان الله عليهم أجمعين ولا ينبغي أن نخوض فيما شجر بينهم فتلك فتنة طهر الله سيوفنا منها فلنطهر ألسنتنا وقلوبنا منها فلا نتورط في مثل ما يتورط فيه من في قلبه رقة في الدين ومن في قلبه ذهاب لليقين. Le plus heureux parmi nous sera celui qui sera épargné de tomber dans le fitan. Quoi de plus énorme qu'un fitna d'être à l'opposé de la voie du compagnon de Mohammed alayhi salatu wassalam, et de les rendre mécréants, et de les critiquer, et de ne pas prendre leur compréhension. Le compagnon de Mohammed alayhi salatu wassalam, donc tout ce qui a pu arriver entre eux, tourne entre deux situations. Deux récompenses ont une récompense. Ceux qui sont tombés vrais sur la situation ont deux récompenses, minallah. Et ceux qui étaient loin de la vérité, ben ils ont une récompense, minallah azza wa jalla. N'importe comment. Allah subhanahu wa ta'ala a purifié leur cœur. Il a fait que leurs cœurs sont les récipients de sa parole, c'est-à-dire du Qur'an et de l'authentique de la sunna de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne doit supposer que du bien sur les compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. On ne doit les évoquer combien et faire que leur éloge. Ce sont les plus nobles créatures d'Allah azza wa jalla après les prophètes alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis pour accompagner son prophète, alayhi salatu wassalam. Et ils n'appartiennent pas, ils ne nous appartiennent pas de parler sur les problèmes qu'il y a eu entre les compagnons de Mohammed, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est une fitna qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a épargné nos armes de cette fitna, donc on épargne nos langues et nos cœurs de cette fitna. C'est le conseil qu'a fait Omar ibn Abdel Aziz, radiyallahu ta'ala, à cette communauté. Et d'autres compagnons l'ont fait. Et qu'on ne tombe pas dans la voie dans laquelle sont tombés ceux qui sont quelque chose dans leur cœur et qui ont une légèreté dans leur religion, qui ont un manque de certitude dans leur religion, à critiquer et à parler entre eux et à prendre et à commencer à disserter sur ce qui est arrivé entre les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam. وإنما الواجب علينا أن نثبت على عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضوان الله عليهم فلا نلمزهم ولا نشتمهم ولا نتجرأ عليهم ونحبهم ونذيع مآثرهم الحسنة في المجالس وعلى رؤوس المنابر وفي الكتب والصحف وعبر المواقع وفي كل مكان لأنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ونتبرأ من كل من يلمزهم أو يشتمهم فهذا فعل الرافضة الذين يبغضونهم وبغير الخير يذكرونهم. Mais notre devoir, c'est de se cramponner aux croyances des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna. En ce qui concerne les compagnons de Mohammed Ali, nous ne devons pas les critiquer, ni les insulter, ni avoir de l'audace à les critiquer ou à parler au mal d'eux. Nous devons les aimer et propager leur bien et ne parler que de bien sur eux, que ce soit dans les sites, dans les journaux, dans les exposés, sur le manbar ou autre, et désavouer toute personne qui les critique et qui les insulte. Et s'éloigner de ce genre de personnes, parce que ça, c'est l'acte des rafida qui les insulte. Et nous devons détester ceux qui détestent les compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui les évoquent au mal. Wa ma'loumun anna zanadika lamma aradu an yadkhulu ala ad-dini bishubah wa lamma hawalu an yasta'siluhu wa hayhata hayhat laja'u ila at-ta'ni fi sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa suduruhum وصوروهم للناس كأنهم قوم سوء فإذا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال من يسمع أقوال الأصحاب التي يحرف أولئكم المبطلة هذا رجل سوء وله أصحاب صحابة سوء فصلى الله على نبينا ورضي الله عن صحابة أجمعين et il est évident que les hypocrites ils ont voulu ramener des ambiguïtés dans cette religion quand ils essayent de raser cette religion Ils n'ont pas pu y arriver. Et ils ont trouvé ce moyen, critiquer les compagnons de Mohammed alayhi salam. Ils ont décrit les compagnons de Mohammed alayhi salam aux gens comme quoi ce sont les gens du mal. Et ainsi, quand on évoquera Mohammed alayhi salam devant eux, ben ceux qui entendent parler de Mohammed alayhi salam, ils disent c'est un homme du mal puisqu'il a que des compagnons qui sont mauvais. Donc lui, il est aussi mauvais. L'ayadan billah. Allah subhanahu wa sallallahu ala nabiyina. ورضي الله عن صحابته وهذه لا شك فتنة عظيمة ورسولنا أمرنا أن نجتنب الفتن في عدة أحاديث صحيحة ça il y a aucun doute que c'est une grande fitna le Rasoul صلى الله عليه وسلم nous a enseigné à éviter le fitna et à s'en éloigner à faire du dua contre le fitna علينا أن لا نكون بعقول كأمثال الفراش وحلم كمثل حلم الفراش فإن الفراش وتلك الهوام التي تكون بالليل إذا رأت النار مشتعلة تهاتفت على النار ولو أراد الجالس على جانب النار أن يذهب أن يذب عن النار ما تمكن. Il nous appartient aussi, frère en Allah, de ne pas agir comme les papillons de nuit. Quand tu es dans un campement, tu allumes le feu. Tu as certains insectes et certains papillons. Il vient, toi tu es à côté du feu, il vient. Il commence à voler sur le feu et tu l'entends tout d'un coup. Pshht, pshht. Nous aussi, on ne doit pas agir ainsi, avoir des raisons d'y aller les papillons de nuit, d'y aller ces insectes de nuit. Il faut s'éloigner du fitna. Il faut s'éloigner de ce qui nous ramène la colère d'Allah Azza wa Jal. Et ne pas tomber dans le fitna qui va nous amener au châtiment d'Allah Azza wa Jal. Fayajibu alayna an na'rif as-sahaba wa ma kanu alayh wa an nalzama kharzahum. فإن حدنا عما كانوا عليه فهذا مزلق خطير وذهاب للدين فعلينا أن نكون واعين حريصين على ديننا وأن لا نتورط في تلك الأمور التي تورط فيها الناس لأن الله عز وجل nous appartient il est de notre devoir de connaître les compagnons de Mohammed عليه الصلاة والسلام et de connaître la voie sur laquelle ils étaient et de les suivre parce que si on divide leur voie on divide la voie sur laquelle ils étaient Ben ceci, c'est une énorme glissade. Et c'est une voie dangereuse qui va nous éloigner de la religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Il faut que nous soyons conscients que nous cramponnons à notre religion et à la voie sur laquelle étaient les compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'on ne se fasse pas avoir et qu'on ne tombe pas comme Adam, les papillons de nuit dans le filet dans lequel sont tombés d'autres. Enfin, regarde maintenant. Certains tombent comme des papillons. Par exemple, la ville de Dunkerque, ça a été un centre de Tablir par excellence. Maintenant, bientôt, ça va être le centre d'El Shia par excellence. Et beaucoup de ces jeunes qui étaient Tablir sont maintenant dans la voie d'El Shia. Des gens qui ont mémorisé le Coran, etc. Tout simplement, comme ils n'étaient pas sur la voie du Puzair, ils ne se sont pas cramponnés à cette sunna avec la compréhension du Puzair. Ben, à la première perturbation, à la première appel du premier perturbateur, ils sont tombés dedans. Beaucoup ont de ces lectures, dit le Coran, mashallah. Mais maintenant, ils agréent les insultes du compagnon de Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils propagent cette voie de l'égarement. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, salam wa l'afir. فعلينا أن نعي أننا في زمن تكاتلت فيه الفتن وأن نكون حاذقين في التعامل مع الفتن ولا يكون ذلك كذلك إلا بتجريد التوحيد لله عز وجل وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يكون كذلك إلا بمعرفة العقيدة الصحيحة ومعرفة المنهاج الصحيح الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى والذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان وأن نلزمه ولا نحيد عنه لأن الجاهل عدو ما يجهل والناس كما ترون أعداء ما جهلوا أما إذا عرفه وعرف وجه الصواب فيه لزمه والتزمه وأحبه وحرص عليه. Nous appartient maintenant d'être conscient de l'époque dans laquelle on vit, l'époque dont les perturbations sont nombreuses, les ambiguïtés sont nombreuses maintenant, que nous soyons conscients, que nous soyons éveillés devant ces perturbations. Et ceci ne saurait être, on peut y arriver qu'avec le monothéisme. Hein? Et en suivant Mohammed alayhi salam, on ne peut être sur ça qu'en apprenant une aqida, n'ayant sur une aqida authentique, la aqida sur laquelle était Mohammed alayhi salam et ses compagnons. Et en connaissant la voie sur laquelle étaient les compagnons de Mohammed alayhi salam. Et ceux qui les suivent à la perfection. Et qu'on se cramponne à cette voie, qu'on ne dévie pas, qu'on ne tourne ni à droite ni à gauche de cette voie et qu'on ne soit pas sur cette voie-là comme la gazelle. Hein? La gazelle, quand il court, comme dit Ibn Qayyim al-Juzeyya, il a de la force, mais un chien la rattrape très vite. Pourquoi? Parce qu'il tourne à droite, il tourne à gauche en courant. Donc ça ralentit. La même chose, tu as connu cette voie-là, ne tourne plus, ni t'klir, ni ikhwan, ni ce que tu veux, tourne plus. Cramponne-toi à cette vérité. Prends cette droiture et contenez dessus. Va pas, tourne pas à droite, s'il va te ralentir et tu risques de tomber. Combien sont tombés? Parce que justement, ils sont devenus des boudinas, des oreilles qui. Alors, un coup, une ambiguïté de clair, un coup, une ambiguïté de kfir, un coup, une ambiguïté de kfir, et après ça, ils ont stagné, ils sont tombés dans le piège. Il faut faire très attention à ça. On se cramponne à cette vérité. On ne fait plus attention ni à droite et à gauche. Et on continue à apprendre cette vérité pour rester. Hein? Il faut l'apprendre, cette vérité. Il faut savoir les signes de cette vérité, les emblèmes de cette vérité, les piliers de cette vérité, tout ce qui concerne cette vérité, il faut qu'on connaisse cette voie-là. Qu'on la connaisse donc. Hein? Tout ce qui est rapport avec cette voie-là, nous devons le connaître. Parce que souvent, celui qui ignore quelque chose, il est ennemi de la chose. Regarde autour de toi. Pourquoi les gens sont ennemis de la vérité? Parce que justement, ils sont ignorants de la vérité. Quant à celui qui connaît la vérité, il se cramponne à cette vérité. Il ne veut pas la laisser, cette vérité. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'acharne à connaître cette vérité. Wa alayna alla nansaqa wara'a kulli na'iq. Wa min huna ta'tina hadhihi ad-durus. Inch'Allah. فيما يخصني أنا تكون مع أبو بكر الصديق رضوان الله عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم وجزاكم الله خيرا.